The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Kid. Le bambin. To point to. Pointer. Malnutrition. La dénutrition. Snack. La collation. Underconsumption. La sous-consommation. Awareness. La sensibilisation. Twinning. Le jumelage. Day camp. Le centre aéré. Decision making. Décisionnel. Educational priority zone. La zone d'éducation prioritaire, ZEP. Now, a bit faster. Underconsumption. La sous-consommation. Educational priority zone. La zone d'éducation prioritaire, ZEP. Decision making. Décisionnel. Educational priority zone. La zone d'éducation prioritaire, ZEP. Twinning. Le jumelage. Decision making. Décisionnel. Malnutrition. La dénutrition. Day camp. Le centre aéré. Awareness. La sensibilisation. Underconsumption. La sous-consommation. Educational priority zone. La zone d'éducation prioritaire, ZEP. Snack. La collation. Kid. Le bambin. Malnutrition. La dénutrition. Underconsumption. La sous-consommation. Educational priority zone. La zone d'éducation prioritaire, ZEP. To point to. Pointer. Kid. Le bambin. To point to. Pointer. Day camp. Le centre aéré. Now, use the words in context. Le bambin. They are four adorable kids filled with dreams. Ce sont quatre adorables bambins remplis de rêves. Pointer. The school's principal points to an increasing way in which violence has become a normal part of the students' everyday life. Le directeur de l'école pointe une banalisation grandissante de la violence entre les élèves. La dénutrition. Malnutrition hits younger children the hardest. La dénutrition frappe plus durement les enfants en bas âge. La collation. She saw a nutritionist to find out what kind of snacks to give to her children. Pour savoir quel type de collation donner à ses enfants, elle a consulté un nutritionniste. La sous-consommation. The underconsumption of milk products can lead to calcium deficiencies. La sous-consommation de produits laitiers peut entraîner des carences en calcium. La sensibilisation. The government decided to organize an awareness campaign about the problems of road safety. Le gouvernement a décidé d'organiser des campagnes de sensibilisation aux problèmes de sécurité routière. Le jumelage. The goal behind twinning these two cities is to increase the possibilities of interaction between them. Le but de ce jumelage est de démultiplier les possibilités d'interaction entre les deux villes. Le centre aéré. The children's favorite day of the week is by far Wednesday, which they spend at day camp. Le jour de la semaine que les enfants préfèrent est de loin le mercredi, qu'ils passent au centre aéré. Décisionnel. Does the parliament really have a role to play in a system where the decision-making power is entirely in the hands of the head of state? Dans un régime où le pouvoir décisionnel est entièrement aux mains du chef d'État, le Parlement a-t-il vraiment un rôle à jouer? La zone d'éducation prioritaire, ZEP. This school, an educational priority zone, has the highest rate of academic failure in the region. Cette école, classée en zone d'éducation prioritaire, a le taux d'échec scolaire le plus élevé de la région. Le bambin.